sympa quand ça s'appelle Julie. Quand c'est tout blanc, quand ça met des talons et que ça dort parfois dans mon lit. Un copain, c'est sympa quand c'est une fille jolie. Quand ça se déshabille et quand ça rougit pour un petit rien, quand ça fait tout pour qu'on soit bien. Un copain qui ressemble en tout à sa maman, attend depuis longtemps le cheval blanc du prince charmant. Un copain sur qui se retournent les copains et de qui l'on rêve comme l'on rêve d'une star avant de glisser dans le noir le soir. Un copain que j'appelle quelquefois très tard, un copain qui sait me dire des mots qui me font rire et emporte au petit matin mes chagrins, mon capard. Un copain qui ressemble à la de toujours, qui ne tient pas de place, mais qui remplace un amour. Un copain, c'est sympa quand ça s'appelle Julie. C'est sympa quand c'est...